Je n'aurais jamais dû y aller. Je n'aurais jamais dû y aller. Je n'aurais jamais dû y aller. Je n'aurais jamais dû y aller. Je n'aurais jamais dû y aller. Je n'aurais jamais dû y aller. Je le sais, et pourtant je l'ai fait. Je le sais, et pourtant je l'ai fait. Je n'aurais jamais dû y aller. Je n'aurais jamais dû y aller. Aller voir cette poufiasse cinglée. Je n'aurais jamais dû y aller. Aller voir cette poufiasse cinglée. Je n'aurais jamais dû y aller. Je le sais, et pourtant je l'ai fait. Je le sais, et pourtant je l'ai fait. Je le sais, et pourtant je l'ai fait.